J'ai pas l'inspi qui me permettrait de faire un tube teigneux. J'ai été élevé au cou, à la ceinture, sérieux. J'suis convaincu qu'il y a jamais personne quand tu saignes. Alors enculé, occupe-toi de ton cul, c'est mieux. J'ai pas la tête à rapper juste pour le kiff, ni celle de l'emploi, j'ai pas les qualités requises. On fait avec les idées reçues, souvent déçues, frère. La vie nous percute, rares sont ceux qui récupèrent. On passe beaucoup trop de temps à se creuser le crâne, tout faire pour peser. Beaucoup ne savent même pas ce que c'est. Passer le quart de sa vie, le ventre vide. Vivre libre en rythme des discours du vendredi. S'affronter entre cibles avant de se retirer. Le mental pillé, on se rend malade pour le piller. On compte sur l'humeur des proches pour oublier les moments de crise. En gros, l'entourage, c'est mon bouclier. Dans un quartier communautaire, je viens du Maghreb, mes racines j'en suis fier. J'ai pas honte de mes origines, j'ai le langage cru. Qu'on passerait notre vie à subir, c'est ce que j'imagine. Je t'assure c'est dur de voir sa mère en train de pleurer. Mama, si je t'ai déçu, j'en suis désolé. Où sont tes potes à la perte d'un proche? Et mon frigo est aussi vide que mes poches. Comme d'hab, tous les soirs dans ma tête ça remmame. Je suis un mec simple, j'aime les grecs et même le hammam. Dur de faire confiance vu que chacun joue un rôle. Et je fais bellec, j'ai qu'une tasse pour me faire du scroll. On sait aide, pas pour s'en sortir, on sait aide avant de dormir. On veut tous s'en sortir, y'a trop de dormeurs. On vit au rythme des saisons et vu le mauvais temps, comprends ma mauvaise humeur. De Waharan, de Razaouet ou de Soukaras. On ne change pas une mentalité comme vos modalités. Lyrics à lacrymogène, obligés de cacher nos sentiments, toujours vexés devant ce monde rempli de juges et de sentences à l'excès. La gêne, je l'ai senti le premier jour où j'ai su sortir les dents. Quand j'ai eu ce goût de ce qu'était l'offense. Vacances scolaires pour convalescence. Pas de remède de médecine, moi je m'en suis remis autant. Là où Rabbi donne la patience à qui la demande, je défends la vie. Toutes ces formes qu'il nous livre, ce qui nous lave, nous élève, nous monte, nous laisse goûter à la dérive pour donner son sens au din. Fils Abillah, Subhanou Da'ala, d'épreuve en épreuve, l'épreuve rayonne pendant que les royaumes règnent puis périssent. Autant on emporte ce que l'homme sème, l'homme le récolte. They don't want us to shine like the rising sun.